Heinrich von Kleist sur le théâtre de marionnettes. Traduction Christian Paquin. Comme je séjournais à M, lors de l'hiver 1801, je rencontrai un soir dans un jardin public Monsieur C, lequel occupait depuis peu dans cette ville le poste de premier danseur à l'opéra, où le public lui réservait un accueil extraordinaire. J'avais été étonné, lui dis-je, de le trouver déjà plusieurs fois dans ce théâtre de marionnettes que l'on avait monté sur la place du marché, où le peuple s'amusait de comédies burlesques, entremêlées de chants et de danses. Il m'assura que la pantomime de ses poupées lui donnait beaucoup de plaisir, et laissa transparaître sans équivoque qu'un danseur, désireux de se parfaire dans son art, pouvait en apprendre bien des choses. Comme cette remarque, par la façon même dont il l'énonça, me parut être tout autre chose qu'une idée fugitive, je m'assis à son côté pour entendre plus avant les raisons sur lesquelles il fondait une affirmation si singulière. Il me demanda si, de fait, je n'avais pas trouvé très gracieux les mouvements de ses poupées durant la danse, surtout ceux des plus petites. C'était le cas, je ne pouvais le nier. Ce groupe de paysans qui, sur un rythme rapide, dansait une ronde, teignait lui-même, n'aurait pu le peindre plus joliment. Je me renseignais sur le mécanisme de ces pantins et comment il est possible de diriger chacun de leurs membres pour obéir au rythme des mouvements ou à celui de la danse sans avoir une myriade de fils au bout des doigts. Il me répondit que je ne devais pas imaginer que le machiniste décidât de chaque mouvement et actionnât chaque membre isolément durant la danse. Chaque mouvement, me dit-il, possède un centre de gravité. Il est suffisant de maîtriser celui-ci à l'intérieur de la marionnette. Les membres, eux, lesquels ne sont que des corps brinque-ballants, suivraient d'eux-mêmes, sans autre intervention extérieure, de manière mécanique. Il ajouta que le mouvement était très simple, que chaque fois que le centre de gravité est sollicité en ligne droite, les membres décrivent déjà des courbes, et que souvent, ébranlés par pur hasard, le tout en vient à une sorte de mouvement rythmique qui est proche de la danse. Cette remarque me sembla jeter quelques lumières sur le plaisir qu'il prétendait avoir trouvé au théâtre de marionnettes. Cependant, j'étais bien loin d'imaginer les conséquences qu'il allait en tirer. Je lui demandais s'il croyait que le machiniste, qui commandait ses poupées, devait être lui-même un danseur, ou si, du moins, il devait avoir une notion de la beauté inhérente à la danse. Il me rétorqua que si une activité, d'un point de vue mécanique, était simple, il ne s'ensuivait pas pour autant qu'on puisse la pratiquer sans sentiment. La ligne que le centre de gravité devait décrire était selon lui très simple, et comme il le croyait, dans la plupart des cas, rectiligne. Dans les cas où elle était courbe, la loi de sa courbure semblait être de la première, voire, tout au plus, de la seconde catégorie, et même, dans ce dernier cas, juste elliptique. Et ce type de mouvement était de toute façon naturel aux extrémités du corps humain, en raison des articulations, et donc, le machiniste pouvait les reproduire sans difficulté particulière. Mais cette ligne, pour y revenir, serait d'un autre côté quelque chose de très mystérieux, car elle ne serait rien d'autre que le chemin de l'âme du danseur, et il doutait que le machiniste puisse le trouver autrement qu'en intégrant le centre de gravité de la marionnette, c'est-à-dire, pour l'exprimer autrement, qu'il devait lui aussi se mettre à danser. Je répliquai qu'on m'avait présenté l'activité de celui-ci comme assez terre à terre, qu'elle avait quelque chose de la manivelle qui actionne une vielle. « Pas du tout, » répondit-il. « Les mouvements des doigts se tiennent bien plutôt dans un rapport artificiel au mouvement des poupées, comme les chiffres face à leur logarithme, ou l'asymptote face à l'hyperbole. D'ailleurs, il croyait qu'on pouvait retirer aux marionnettes cette lueur d'esprit dont il venait de parler pour faire dépendre leur danse tout entière du domaine des forces mécaniques et la produire au moyen d'une manivelle, comme je l'avais pensé. Je lui exprimai mon admiration de constater combien il témoignait d'attention à cette variante d'un art noble inventé pour les masses. Non seulement il la tenait capable d'un plus grand développement, mais il semblait lui-même s'en occuper. Il sourit et dit qu'il osait affirmer que si un mécanicien voulait lui réaliser une marionnette, en suivant ses instructions, il pourrait, grâce à elle, produire une danse d'un niveau auquel ni lui, ni aucun autre danseur habile de ce siècle, Vestris lui-même non excepté, ne serait capable de prétendre. « Avez-vous, demanda-t-il, tandis que je baissais les yeux sans dire un mot, avez-vous entendu parler de ces jambes mécaniques que les artistes anglais réalisent pour ces malheureux qui les ont perdues ?»« Non, dis-je, je n'avais encore rien vu de pareil. »« J'en suis désolé, répliqua-t-il, car si je vous dis que ces malheureux peuvent danser au moyen de ces jambes, je vais craindre que vous ne me croyiez pas. »« Que dis-je danser ? L'éventail de leurs mouvements est certes restreint, mais ceux dont ils disposent, ils les exécutent avec un calme, une légèreté et une grâce qui saisit d'étonnement tout être doué de pensée. » Je plaisantais en faisant remarquer qu'il avait trouvé là l'homme qu'il lui fallait, car si un tel artiste était capable de construire une jambe aussi extraordinaire, alors il pourrait sans aucun doute, sur ses indications, lui assembler une marionnette entière. « De quelle sorte ? » demandai-je, tandis qu'à son tour, un peu contrit, il fixait le sol. « De quelle sorte sont les exigences que vous pensez devoir attendre de son habileté ?»« Je n'attends rien, répondit-il, que ce qu'on trouve déjà ici. Harmonie, mobilité, légèreté, mais seulement à un niveau plus élevé, et en particulier, un ordonnancement des centres de gravité plus conforme à la nature. » « Et l'avantage que ces poupées auraient sur les danseurs vivants ?»« L'avantage ? » !»« Tout d'abord, un avantage négatif, mon excellent ami. Celui en effet que jamais elles ne minauderaient. Car la minauderie apparaît, comme vous le savez, quand l'âme, vis motrix, se trouve dans un quelconque autre centre de gravité du mouvement. Mais puisque le machiniste, au moyen du câble ou du fil, n'a pas d'autre point en son pouvoir que celui-ci, il en résulte que tous les autres membres sont ce qu'ils doivent être, morts, juste des corps brinque-ballants, et se contentent de suivre la simple loi de la gravité, une excellente qualité que l'on recherche en vain chez la plupart de nos danseurs. Voyez à présent la paix, poursuivit-il, quand elle joue Daphné, et que poursuivie par Apollon, elle se tourne vers lui. Son âme se loge dans ses lombaires. Elle se penche comme si elle allait se rompre, comme une naïade de l'école du Bernin. Observez le jeune F quand, incarnant Paris, il se trouve au milieu des trois déesses et qu'il tend la pomme à Vénus. L'âme se loge chez lui, c'est une horreur de voir ça, dans le coude. De telles erreurs d'appréciation, ajouta-t-il en m'interrompant, sont inévitables depuis que nous avons goûté le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais le paradis est verrouillé, et le chérubin est derrière nous. Nous devons faire le voyage tout autour du monde et voir si par derrière il n'y aurait pas une voie possible. Je ris. En fait, pensais-je, là où il n'y a pas d'esprit, il ne peut pas se perdre en chemin. Mais je remarquais qu'il n'avait pas totalement vidé son cœur et je le priais de continuer. En outre, dit-il, ces poupées ont l'avantage d'échapper à la pesanteur. Elles ignorent tout de la résistance de la matière, caractéristique qui, entre toutes, s'oppose le plus à la danse. Parce que la force qui les élève dans les airs est plus grande que celle qui les retient à la terre. Que ne donnerait pas notre bonne G pour peser 60 livres de moins ou pour qu'un contrepoids équivalent l'aide à exécuter ses entrechats et ses pirouettes? Les poupées n'ont besoin du sol que pour l'effleurer, comme les elfes. Et cet obstacle momentané n'est là que pour redonner vigueur à l'élan de leurs membres, tandis que nous, nous en avons besoin pour nous y reposer, pour reprendre des forces après l'effort de la danse. Un moment qui, de toute évidence, n'est pas de la danse, et dont on ne peut rien faire, sinon le faire oublier le plus vite possible. Je lui dis que si habile qu'il fût à développer ses paradoxes, il ne me ferait jamais croire qu'un pantin mécanique puisse présenter plus de grâce que la charpente d'un corps humain. Il répliqua qu'il serait tout simplement impossible à un homme d'égaler seulement le pantin. Sur ce terrain, seul un dieu pouvait se mesurer à la matière, et là serait le point où la circonférence d'un monde se referme. Je m'étonnais de plus en plus, et je ne savais que penser d'affirmation aussi extraordinaire. Il semblait, m'objecta-t-il, tout en prisant du tabac, que je n'ai pas lu avec attention le troisième chapitre de la Genèse. Et qui ignore cette première période de la formation de l'humanité, celui-là ne peut parler avec cohérence des suivantes et encore moins de la dernière. Je lui dis que je savais très bien quel désordre peut causer la conscience dans la grâce naturelle de l'homme. Un jeune homme de ma connaissance avait en quelque sorte devant mes yeux perdu son innocence et quitté le paradis. Et par la suite, malgré tous les efforts possibles, il ne l'avait jamais retrouvé. Pourtant, quelles conséquences, ajoutai-je, pouvez-vous en tirer? Il me demanda de quel cas je parlais. Il y a 3 ans, racontai-je, je me baignais en compagnie d'un jeune homme dont le corps était nimbé d'une grâce extraordinaire. Il devait avoir à peu près 16 ans, et les premières traces de vanité, éveillées par la convoitise des femmes, ne se laissaient deviner que de loin. Il se trouvait que, peu de temps auparavant, nous avions vu à Paris la statue du jeune homme qui se retire une écharpe du pied. La réplique de cette sculpture est connue, et se trouve dans la plupart des collections allemandes. En regardant dans le grand miroir, comme il appuyait le pied pour le sécher, le souvenir de la statue lui revint. Il sourit et m'informa de sa découverte. En effet, au même moment, j'avais fait ce rapprochement, mais soit pour mettre à l'épreuve la grâce qu'il habitait, soit pour corriger un peu sa vanité, je rétorquai qu'il s'illusionnait. Il rougit et souleva le pied une seconde fois pour me le montrer, mais, comme on pouvait le prévoir, la tentative échoua. Troublé, il souleva le pied une troisième et une quatrième fois. Il le souleva une dizaine de fois, en vain. Il était incapable de reproduire ce mouvement. Que dis-je? Les mouvements qu'il faisait semblaient si drôles que j'avais du mal à ne pas éclater de rire. À dater de ce jour, pour ainsi dire de ce moment-là, le jeune homme changea de manière incompréhensible. Il commença à se poster des journées entières devant le miroir, et il perdit ses attraits les uns après les autres. Une puissance invisible et incompréhensible semblait envelopper comme un filet métallique le libre jeu de ses mouvements, et au bout d'un an, il ne restait plus rien du charme qu'on pouvait découvrir en lui et qui jadis avait enchanté les personnes de son entourage. Un témoin de cet incident extraordinaire et malheureux vit encore aujourd'hui et pourrait confirmer mot pour mot ce que je venais de raconter. À cette occasion, poursuivit M. C., amicalement, je dois vous raconter une autre histoire, dont vous comprendrez aisément en quoi elle relève de notre propos. En route pour la Russie, je séjournais alors dans la propriété de M. de G., un noble livonien, dont les fils, à cette époque, s'exerçaient de manière soutenue à l'art de l'escrime. Le plus vieux, surtout, qui revenait de l'université, était un virtuose, et me proposa une rapière un jour que j'étais dans sa chambre. Nous combattîmes, mais il se trouva que je lui étais supérieur. La passion mit le comble à son trouble. Chaque coup que j'exécutais touchait au but, et sa rapière finit par voler dans un coin. En partie pour plaisanter, en partie parce qu'il était vexé, il me dit en ramassant sa rapière qu'il avait trouvé son maître. Mais tout le monde sur terre trouvait le sien, et donc, il voulait me mener au mien. Les frères éclatèrent de rire et crièrent « Allez, allez !» dans la remise à bois. Et sur ce, ils me conduisirent jusqu'à un ours que M. de G., leur père, élevait dans la cour. Quand, étonné, j'arrivais devant lui, l'ours se mit sur ses pattes arrière, le dos appuyé contre un poteau auquel il était attaché, la patte prête à frapper, et me regarda les yeux dans les yeux. C'était sa position d'escrimeur. Je ne savais pas si je rêvais en me trouvant face à un tel adversaire. « Mais tirez, tirez donc, dit Monsieur de G., et essayez si vous pouvez de le toucher. » Légèrement remis de mon étonnement, je l'attaquai. L'ours fit un très court mouvement avec la patte et para le coup. J'essayai de l'embrouiller avec des feintes. L'ours ne bougea pas. Je tentai un nouvel assaut. Avec une adresse instantanée, j'aurais touché une poitrine humaine sans l'ombre d'un doute. L'ours fit un bref mouvement avec sa patte et para le coup. C'était moi qui me retrouvais dans la position du jeune M. Le sérieux de l'ours finit par me faire perdre de contenance. Les coups et les feintes succédaient. Je suais à grosses gouttes. En vain. Non seulement l'ours, tel le meilleur escrimeur du monde, parait tous mes coups, mais encore, il ne réagissait même pas aux feintes, ce qu'aucun escrimeur ne ferait. les yeux dans les yeux, comme s'il pouvait lire dans mon âme, il se tenait là, patte levée, prêt à frapper, et quand mes coups n'étaient pas pensés sérieusement, il ne bougeait pas. Croyez-vous cette histoire ? Tout à fait, m'exclamai-je, en applaudissant joyeusement. Quiconque la raconterait, je le croirais. Combien plus il s'agit de vous. Alors, mon excellent ami, dit Monsieur C, vous possédez tous les éléments pour me comprendre. Vous voyez que dans le monde organique, plus la réflexion est obscure et faible, et plus la grâce y est lumineuse et conquérante. Pourtant, comme deux lignes se croisent du même côté d'un point, et après avoir traversé l'infini se retrouvent soudain de l'autre côté, ou comme le reflet d'un miroir concave, après s'être éloigné à l'infini, apparaît soudain proche de nous, de même, lorsque la connaissance en quelque sorte a parcouru l'infini, on retrouve la grâce. Si bien qu'elle apparaît à la fois et de la façon la plus pure dans le corps humain qui n'a soit pas de conscience, soit une conscience infinie, c'est-à-dire dans le pantin ou dans le Dieu. Donc, dis-je, un peu distrait, nous devrions reprendre du fruit de l'arbre de la connaissance pour retomber dans l'état d'innocence ? Assurément, dit-il, c'est le dernier chapitre de l'histoire du monde.